Par-delà l'escalier des roides cordillères, par-delà les brouillards hantés des aigles noirs, plus haut que les sommets creusés en entonnoir, au bout le flux sanglant des laves familières, l'envergure pendante et rouge par endroits, le vaste oiseau, tout plein d'une morne indolence, regarde l'Amérique et l'espace en silence, et le sombre soleil qui meurt dans ses yeux froids. Loin de l'astre vivant,